Chapitre 16e, le livre kabbalistique. Malcolm, le premier, entendit le roulement d'une voiture sur la route, et les quatre hommes écoutèrent en silence jusqu'à ce qu'un léger sifflement fît sursauter Petrov, qui s'élança hors de la pièce. « Qu'est-ce que cela peut être ? » demanda Malenkov, venu jusqu'à la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, Petrov reparaissait chancelant sous le poids d'un frêle corps de jeune fille. Ce fut Malcolm que l'on déchargea et déposa Irène sur le canapé. « Elle n'est pas morte !» dit une voix derrière lui. Il tourna la tête, c'était Israël Kensky. Le vieillard était blême et paraissait malade. D'une main tremblante, il prit le verre de vin que lui offrait Ivan. Puis, tout en essuyant sa barbe, il se mit à considérer la jeune fille étendue devant lui. Il n'y avait dans son regard ni affection ni pitié, mais l'expression tranquille de quelqu'un qui atteint son but. « Et Bulba ?» interrogea anxieusement Petrov. « Il est vivant, je le crains, » répondit Kensky. « J'ai serré la corde en la tordant avec un bâton, mais je suis vieux et faible, et lui bien robuste. S'il arrive à se dégager, il vivra. A-t-il su que c'était vous ?» Le juif secoua la tête, puis demanda sans transition « Quelle heure est-il »« 2 heures. » « Sofia Kensky sera exécutée à 4 heures, » dit-il d'un ton si détaché que Malenkov le regarda bouche bée. Cet homme venait de risquer sa vie pour une personne de la caste qui avait persécuté les siens pendant des siècles, et il parlait sans l'ombre d'émotion de la mort de sa propre fille. « Il est juste qu'elle soit punie, » continua-t-il, « car elle avait trahi sa race et son père. C'est l'antique loi d'Israël. C'est une bonne loi. Maintenant, je vais aller dormir. Croyez-vous qu'on vous poursuive ?» De nouveau, le juif caressa pensivement sa barbe. « Quand nous avons passé la barrière, la sentinelle était éveillée. C'est le seul danger à redouter. » Il fit signe à Malcolm. Et si peu disposé que fut le jeune homme à s'éloigner d'Irène qui semblait reprendre ses sens, il accompagna le vieillard hors de la chambre. « Ospodar, dit Kensky, je vous ai jadis confié un livre. Je m'en souviens. » Et Malcolm sourit involontairement. « Le livre magique, » acheva le juif avec calme. « Il est dans ma chambre. Rendez-moi encore le service de le garder. » Comme je n'ai ni enfant ni ami, je veux donner ce livre à la grande duchesse qui a été très bonne pour moi. Mais voyons, Kensky, vous êtes trop intelligent pour croire au livre de sorcellerie et d'incantation. Je crois au livre magique, répliqua l'autre toujours très calme. Rappelez-vous qu'il doit appartenir après moi à la grande duchesse Irène. Je ne pense pas avoir longtemps à vivre. Quelle sera ma fin? Je l'ignore, mais je la sens proche. Allons, venez avec moi chercher le livre. Malcolm hésitait entre le désir de retourner auprès d'Irène et celui d'être agréable à l'homme qui venait de la sauver. Il grimpa l'escalier jusqu'à la chambre de juif, celui-ci en ressortit bientôt, tenant le précieux livre cousu dans une enveloppe de toile. Malcolm le glissa dans sa poche, répétant le geste qu'il avait fait quelques années auparavant. « Maintenant, allons-nous-en, » dit Kensky. Mais, arrêtant Mr. Hay, au moment où ce dernier posait le pied sur la première marche, « Milord, vous aimez cette jeune fille ?» « Oui, Israël Kensky, » répondit très simplement Malcolm. « Vous êtes chrétiens tous deux, et les différences de rang sont moins sensibles que celles des races. Je crois que vous serez heureux. Que le Dieu d'Abraham, de Jacob et de David vous accorde bonheur et prospérité. Amen. » Jamais bénédiction plus sincère n'avait été prononcée sur la tête de Malcolm et ne lui avait apporté un tel réconfort. Quand il rentra dans le salon et s'approcha d'Irène, elle se souleva à demi et du geste spontané qu'elle avait eu dans la prison, lui tendit les deux mains. 5 minutes plus tôt, il se serait contenté de serrer ses petits doigts dans les siens, mais il n'hésita plus et s'agenouillant auprès d'elle, il l'attira contre lui. Elle posa sa tête sur son épaule et lui passa ses bras autour du cou en poussant un long soupir de bonheur. Alors, il oublia le monde entier. Ce fut Petrov qui interrompit cette petite scène. « Je viens d'envoyer pour vous des vivres dans le bois, » dit-il, et l'homme est revenu en disant que votre chauffeur vous attend auprès de l'auto, ayant réquisitionné toute l'essence nécessaire. « Je crois que vous feriez bien de le rejoindre sans tarder. » Irène se ressaisit et, regardant d'un air désolé sa toilette pourpre, elle s'écria « Je ne puis partir ainsi. »« Mais vous avez une malle ici, » dit Petrov. « C'est vrai, je l'avais oubliée, » s'écria-t-elle joyeusement en sautant sur pied. Hâtez-vous de partir, Altesse, reprit Petrov d'un ton pressant. Je crains que vous ne soyez pas en sécurité dans ma maison, ni vous, ni Kensky. Partez. J'ai envoyé un de mes hommes à bicyclette pour surveiller la route de Moscou. Êtes-vous soupçonné ? Demanda Malenkov. P. Petrov inclina la tête. Si le ministre de la Justice à Petrograd n'était pas un de mes anciens ouvriers, il y a longtemps que je serais sous les verrous, car j'étais au service du grand-duc autrefois. Bulba, apprenant que Kensky a pris cette route, devinera qu'il s'est réfugié chez moi. Et s'il vous y trouve, je suis perdu. Mon seul espoir est de vous savoir loin avant qu'on ne perquisitionne ici. Comprenez-moi, petit général, je vous conseille la fuite parce que vous avez une auto. Sinon, je vous aurais gardé, malgré tous les risques. Je vous comprends parfaitement, mon ami, et je suis de votre avis. Qu'en pensez-vous, Israël ? Le vieillard qui était rentré dans la pièce à la suite de Malcolm fit un signe approbateur, ajoutant pensif. J'aurais mieux fait de tuer Bulba d'un coup de revolver, mais c'était un moyen trop bruyant. En hâte, ils firent leurs préparatifs de départ. La jeune fille redescendit, portant un charmant costume de voyage et ses magnifiques cheveux dissimulés sous un béret noir. « Vous avez un manteau, j'espère ?» dit Malenkov, toujours pratique. « C'est bien, il peut vous être utile. » À peine avait-il achevé ces mots que de violents coups de crosse ébranlèrent la porte d'entrée et une voix cria de l'extérieur. « Ouvrez, au nom de la Révolution !» Ivan resta pétrifié. Irène se rapprocha de Malcolm et Malenkov saisit doucement sa barbe. Seul Tcherbim sembla envisager les nécessités de la situation et, saisissant deux revolvers à la fois, les posa sur la table devant lui. « Ouvrez, au nom de la Révolution !» répéta la voix du dehors. Un signe de Kensky les rassembla. Il indiqua d'une main la lumière, de l'autre la sortie, puis, saisissant Petrov par l'épaule, lui souffla. « Vous, amis à votre chambre, mettez-vous en mise de nuit et parlez-leur de la fenêtre. » Puis, tous quatre se glissèrent dans le couloir et atteignirent la porte de service où Petrov les avait reçus. Kensky en retira la chaîne et se pencha à l'oreille de Malenkov, lui dit tout bas. « Conduisez-nous, si vous vous souvenez de votre chemin. » Tcherbim, revolver au poing, fermait la marche. Il n'y avait pas de soldats en vue lorsqu'ils sortirent, mais un bruit de pas dans un chemin de traverse fit comprendre au général que la maison allait être cernée. Si l'homme avait frappé quelques minutes plus tard, tout de suite eût été impossible. Ils prirent la grande route et s'engagèrent dans le sentier conduisant à la forêt, sans avoir rencontré personne. Le silence régnait toujours du côté de la maison. On ne s'était pas aperçu de leur départ. Kensky commençait à traîner la jambe. Au moment où ils allaient entrer sous les arbres, un cavalier sortit de l'ombre et mit son cheval en travers de la route. « Halte ! » cria-t-il. Ils s'arrêtèrent, sauf Bim, qui se jetant dans le fourré, rampa pour couper la retraite à l'ennemi. « Qui êtes-vous ? » demanda ce dernier. « Parlez ou je fais feu ! » En disant cela, il armait sa carabine. « Ami, petit père, » dit Malenkov, « vos noms ?» Sans hésiter, le général déclara plusieurs noms russes très ordinaires. « Vous mentez !» répliqua l'homme froidement. « Vous êtes des bourgeois, je le reconnais à votre manière de parler. » Et sans plus d'explication, il tira. Un autre coup partit du fourré et suivit le premier de si près que pour la deuxième fois en pareille circonstance, Irène crut n'avoir entendu qu'une seule détonation. Le soldat chancela et glissa à terre. « Maintenant, droit devant vous !» cria Bim en saisissant la bride du cheval effrayé et le tirant sur le bord de la route. Les fugitifs se hâtèrent et rejoignirent l'auto dont le chauffeur avisé avait mis le moteur en marche en entendant les coups de feu. « Où est Kensky ?» demanda soudain Malcolm. « L'avez-vous vu, Jerry ?»« Quoi ?»« Non, » répondit Bim après un petit silence. « Je ne l'ai pas revu depuis l'incident. »« Nous ne pouvons pas abandonner ce vieillard, pourtant. »« Attendez !» dit le petit homme. « Je vais retourner le chercher. » 5 minutes, 10 minutes passèrent. Bim ne revenait pas. Enfin, il y eut 3 détonations successives. « 2 fusils, un revolver, » dit Malenkov. « Montez en voiture, Altesse. Vous y êtes, chauffeur ?» De nouveaux coups de feu crépitèrent et ce fut une véritable fusillade. À ce moment, on entendit des pas précipités et le bruit d'une respiration haletante et Tcherbim apparut. « Débarrassez-moi de ce fardeau, s'il vous plaît. » Malenkov souleva le corps inanimé que Bim portait sur son épaule et le déposa dans la voiture lorsqu'une balle siffla à leurs oreilles. « Passe, ma vieille !» dit le gangster, et il déchargea ses 2 revolvers dans la nuit, puis il sauta sous le marchepied avec une agilité surprenante car l'auto démarrait déjà. Mais ses compagnons l'entendirent pousser un gémissement douloureux. « Vous êtes touché ?» s'exclama Mr. Hay. « Oh là là !» chevrota Bim à qui il était difficile de parler à cause des chaos de la voiture. La route était pleine de trous. « Oh là là, j'ai failli perdre mon chapeau. Mais au fait, » ajouta-t-il, Je serais assez curieux de savoir ce qu'est devenu le cycliste envoyé par Petrov.